Et Youx Orgel, comment ça va? Quoi de neuf depuis hier? Je viens d'enlever mes baskets, je mange un œuf à la cuillère. J'ai vu partir du bar avec une poule hier soir. J'ai des plumes en entier, on a fini tard. Elle avait l'air plutôt sympa, habillée en moi. Il manquait plus que toi pour faire les stars. Moi je suis resté quoi, Ninote, on a fini tout le rhum. Qu'est-ce qui passait comme zik? Y'avait de la drum? C'était encore du hip-hop, ils auraient pu faire mieux. Je crois que c'est clair, j'ai bien fait d'aller au pieu. Alors elle était bonne, ça s'est passé comment? Comme sur des roulettes, par derrière, par devant. Mais toi et les poulettes, t'assures décidément. Qu'est-ce que tu crois, craque mon cul, c'est pas du vent. Et si je te le dis, c'est pas du vent. Et je te le redis, c'est pas du vent. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comment pas en pique, qu'on s'ajoute le défi, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comment pas en pique, qu'on s'ajoute le défi, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. On devrait faire des concerts encore plus souvent. Le litre de bière, moi je trouve ça marrant. Amarré au bar, tâche les langues jusque tard. Le soir, y'a de l'espoir pour tous mes sous-là. C'est Wayne Inot qui m'entraîne, à cause de lui je me déchaîne. C'est mon démon de minuit, au bout de la nuit on s'entraide. Entertainer, journaliste à 16h. Le DJ des neurones, c'est un killer. T'as vu hier, le concert s'est bien passé. On a pas reçu de canettes, ils avaient l'air d'apprécier. Le son était pas mal, pas assez de retour. En retard sur le temps, il a fallu que je cours. Les ingé sons, c'est la complication des neurones. Moi ça me prend en rogne et eux trouvent ça drôle. Et la faille, y'a pas de quoi. Mettez un blocage, ça se passera mieux la prochaine fois. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comment pas en pique, qu'on s'ajoute le défaut, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comment pas en pique, qu'on s'ajoute le défaut, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. Faudra vraiment qu'on pense à trouver un tourneur, signer sur un label, se faire payer nos heures. En musique actuelle, on est plutôt à l'heure, à l'aise, blaise, n'en déplaise à tous les râleurs. Les dates de concert, c'est ce qui nous manque. Et au niveau pépette, on est plutôt en manque. On va se la péter sur scène, pour trouver un mécène. Faut-il monter sur Paris et jouer sur les bords de scène? Sois patient mon grand, je sais que ça va marcher. Les neurones en HP, premier NDS dessiné. De toute façon y'a pas de raison, on a trouvé le bon filon. On se la joue comme les Beastie. Fais-toi une raison, les petits boys d'Annecy s'expriment à l'unisson. On va envahir ta région et on va mouiller le garçon. Faire un paquet de cercons, prends-nous pas pour des cons. Et si ça te plaît pas, on viendra de toute façon. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comme on part en vie. Qu'on s'ajoute le défaut, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. Conversation téléphone, qu'on se téléphone. On fait de la zip, on enregistre des méga hits. Comme on part en pit. Qu'on s'ajoute le défaut, c'est du hip-hop de pit. Télécharge, c'est magique, surtout si t'as pas de prix. Bon, tu passes à quelle heure alors? Bah, 14h comme d'hab. Ok, à tous les.